Chapitre 28e. Confession et petit projet. Peu d'instants après, Armand Louis et Renaud se trouvaient ensemble sous la même tente, devant un jambon que Magnus avait servi noblement entre deux honnêtes flacons de vin de France. Encore des compatriotes, et non pas les moins aimables, dit Renaud, qui remplit son verre. Un sourd gémissement se fit entendre à la porte. Tiens, Carquefou, que j'avais perdu! S'écria Renaud. Carquefou entra, plus maigre, plus sec, plus dévasté, plus long et plus blême encore qu'au temps où il guerroyait contre les loups. « Monsieur, dit-il en s'adressant à Monsieur de la Guerche, c'est une pitié. Mes os ne tiennent plus à mon corps que par des fils. Il n'est pas bien sûr que je ne sois pas mort. Mon maître m'a laissé l'autre jour dans une hôtellerie où l'on comptait plus de coquins autour des brocs que de poulets le long des broches. Comment m'en suis-je tiré? Mon saint patron le sait. Sans le secours de Sainte Estocade, je ne serais plus vivant. C'est dans ces occasions funèbres qu'on se souvient avec attendrissement des broches qui tournaient chez M. de Pardaillan et des honnêtes figures qu'on voyait autour de ces broches. » La vue du jambon et d'un canard sauvage cuit à point que Magnus apportait sur un plat fumant arrêta court l'homélie de Carquefou. Il sourit. « Je vois que les bonnes traditions sont revenues. » Armand Louis se tourna vers Magnus. « Voilà, dit-il en lui montrant Carquefou, un honnête garçon que je te recommande. Il a l'estomac plus creux qu'il n'a les bras longs. » « Et le cœur timide, ajouta Carquefou. Cependant, tel qu'il est, j'y tiens. Veille à ce qu'on ne me le casse pas, dit Renaud. « C'est bon, répliqua Magnus. Baliverne le prendra sous sa protection. » Seul et commandément assis en face de la mer, qu'on voyait à une petite distance, toute couverte de navires de toute grandeur, et réjoui par le son des tambours et des trompettes, Armand Louis et Renaud se regardèrent. « Ça, m'expliqueras-tu comment il se fait que je te retrouve en Suède, après t'avoir laissé sur le chemin du château de Myrval vers lequel t'attiraient deux beaux yeux ?» dit Monsieur de la Guerche. « Ah, mon ami, tu sais si je travaillais sincèrement à faire pénitence. Je dois rendre à Clotilde cette justice qu'elle m'y aidait de tout son pouvoir. Mais voilà qu'un brave homme d'oncle, qui soignait ses vieux rhumatismes à Myrval, me parla de rendre visite à la chapelle du château. C'était un homme consciencieux. Consciencieux et désagréable. Une pénitence perpétuelle, cela me parut exagéré. Je tirai ma révérence aux tourelles de Myrval et, suivi de Carquefou, qui avait presque engraissé, je m'acheminai vers Paris. On me fit bon accueil à la cour, mais vois mon malheur. Le souvenir de Mademoiselle de Pardaillan me poursuivait encore au menuet du roi. « Tu as, j'en suis sûr, combattu ce souvenir par le jeûne et la macération. »« Oui, mon parpaillot, par le jeûne et les yeux verts de Madame de Sériol. »« Ah, des yeux verts. »« J'avais eu affaire à des yeux noirs et à des yeux bleus. »« Il faut mortifier son corps par le changement. »« Madame de Sériol était une personne de condition qui avait quelque réputation de beauté au Louvre. »« Je dois avouer qu'elle la méritait. »« Si bien que tu ne tardes à guère à lui confier le soin de ta guérison. » Les âmes courageuses n'hésitent pas. Aurore, elle s'appelait Aurore, eut pitié de mon martyr. Cette nouvelle épreuve dura bien 15 jours. Mais rien ne prévaut contre la malice de l'esprit noir. Au plus fort de la cure, voilà 15 jours, inspiré par le diable, je m'avise de soupirer le nom de Diane en baisant la main d'Aurore. Madame de Sériol négligea désormais de s'employer à me guérir. Ces dames de la cour ont des préjugés. C'est là ce qu'il excuse à mes yeux. En quittant Paris, je me rendis à Bruxelles. Je ne sais quel fil mystérieux me tirait du côté du nord. Je ne te dirai pas quelles tentatives diverses j'ai faites en Flandre et dans les Pays-Bas pour assainir mon âme éprise d'une hérétique. J'essayai même de combattre l'hérésie par l'hérésie. La Suédoise par une Hollandaise élevée dans l'erreur. Hélas, le remède était héroïque. Désespéré. C'est ce que je voulais dire. Eh bien, Gretchen ne put rien contre Diane. Le diable ne lâchait pas sa victime. Un matin, tout en larmes, je me trouvais en Allemagne. Mon cheval s'en allait du côté de la Suède en prenant le chemin du Danemark. J'étais si découragé que je ne le retins pas. D'ailleurs, il venait de ce pays un vent de guerre qui me réconfortait. Ah, mon pauvre ami, quels hommes bardés de fer n'ai-je pas rencontrés partout? Quels régiments, quels escadrons, des Hessois, des Saxons, des Croates, des Autrichiens, des Polonais, des Hongrois, des Espagnols, des Bohémiens, 10 armées qui faisaient rage. On s'endormait au bruit de la fusillade, on se réveillait au bruit du canon, et l'on avait la nuit des incendies pour éclairer le paysage. Ma foi, quand on m'eut appris que le roi Gustave Adolphe réunissait des troupes pour guerroyer contre l'Empire, j'ai donné un coup d'éperon à mon cheval, et un matin, un navire de Hambourg, qui faisait voile pour Stockholm, m'achetait en Suède. « Prends garde, mademoiselle de Pardaillan ne t'a pas oublié. »« Ah, c'est le dernier coup !» répondit Renaud joyeux. Il y avait comme une sorte d'entente silencieuse entre Diane et Renaud, et le traître, qui feignait la surprise, le savait bien. Il n'y a pas de jeune fille qui ne soit un peu femme, et c'est par là que tout établisse qu'elles sont issues de notre commune mère Ève. C'est pourquoi mademoiselle de Pardaillan avait deviné quel sentiment elle inspirait à monsieur de Chauxfontaine avant même que celui-ci en eût conscience. Le trouble, l'embarras d'un homme si brave ne lui déplurent pas. De plus, il avait dans l'air du visage et dans la tournure de l'esprit quelque chose qui était sympathique à sa nature hardie et loyale. Elle estimait que c'était un homme de cœur en voyant qu'il ne cherchait pas, lui, gentilhomme sans fortune, à circonvenir le père d'une des plus riches héritières de la Suède. Il ne faisait rien non plus pour surprendre son cœur, et les témoignages secrets qu'il lui donnait d'un amour spontané, c'était la force de la jeunesse qui les lui arrachait. Jamais de flatterie à M. de Pardaillan, jamais de complaisance marquée par trop d'empressement, mais au contraire, une noble fierté qui éclatait en toute chose. Par là, il montrait suffisamment qu'il avait l'âme haute, et par là, il entra plus avant dans les bonnes grâces de mademoiselle de Pardaillan. Sûre de lui, Diane lui vint en aide par ses finesses de langage dont les jeunes gens et les jeunes femmes, qui se comprennent à demi-mot, ont le secret. Ce fut ainsi que mademoiselle de Pardaillan lui fit comprendre, sans avoir l'air de lui parler, quelle route était la meilleure pour arriver à l'obtenir. Il ne fallait pas d'abord que monsieur de Pardaillan se doutât que monsieur de Chauxfontaine aimât sa fille, pour laquelle il avait une affection excessive. Et en agissant ainsi qu'il l'avait fait jusqu'alors, sa délicatesse l'avait mieux servi que la plus extrême habileté. Il fallait tout laisser à l'initiative du vieux gentilhomme, que Diane, sans paraître y toucher, se chargeait d'inspirer et de conduire. Se signaler en outre par quelque action d'éclat, si l'occasion s'en présentait, et surtout être bien assuré que vouloir brusquer les événements, c'était évidemment les reculer. Le principal était de savoir que la recherche de M. de Chauxfontaine n'irritait pas mademoiselle de Pardaillan. Le brusque départ de M. de Chauxfontaine pour courir au siège de La Rochelle, au moment où Armand-Louis quitta la Suède, n'avait pas laissé d'étonner Diane, mais rien n'embarrassait Renaud. « J'ai lu dans l'histoire, dit-il hardiment devant M. de Pardaillan, que mon homonyme, Renaud de Montauban, avait quelque temps oublié dans les jardins d'Armide qu'il portait une épée. J'ai toujours cet exemple fameux devant les yeux. Or, il me paraît que le château de Saint-Vaast est un lieu où toute chose tient de la magie, la bonne chère, la chasse et la musique. Puisqu'aucun enchanteur ne me vient en aide, je fuis. Quand vous me reverrez, monsieur le marquis, j'aurai donné reçu force coup. » Diane éprouva un rapide frisson, mais, le regardant, « Frappez donc. Ne vous faites pas tuer seulement, » avait-elle dit. Ces confidences échangées mirent M. de la Guerche au courant d'une situation qu'il ne connaissait qu'à demi. « Allons, » dit Armand-Louis en vidant le dernier flacon dans le verre de Renaud. « Je bois à tes amours et prétends dès aujourd'hui te ramener au bercail. » Une heure après, on pouvait voir M. de Chauxfontaine chez M. de Pardaillan, qui le reçut les bras ouverts. « Combien de géants auxis, de princesses délivrées, de malandrins décousus, d'aventures menées à bonne fin ?» lui dit-il en souriant. « Je ne compte pas, » répondit gaiement Renaud. L'entrevue du ligueur et de Diane eut lieu dans le même instant. Renaud manqua en rentrer sous terre en entendant la voix de mademoiselle de Pardaillan. Il n'avait plus la force de lui parler. C'était peut-être le meilleur compliment qu'il pût lui adresser. Elle en fut si enchantée qu'elle essaya de le réconforter par un regard qui acheva de lui faire perdre l'esprit. Ce n'était pas tout cependant que d'avoir réuni une poignée de gentilshommes pour en faire un escadron. Il fallait encore les armer, et c'était là le plus difficile. Armand-Louis, malgré son titre pompeux d'ambassadeur de son éminence, le premier ministre du roi Louis XIII, avait la bourse plate. Renaud, en sa qualité d'aventurier, ne l'avait pas plus ronde. Les Huguenots groupés autour d'eux étaient plus riches en noblesse et en courage qu'en argent comptant. Ils en avaient un grand besoin de chevaux, d'armes, d'équipements, de munitions. Tout ce qu'on possédait en choses de ce genre, se ressentant des longues traverses et de misères subies par les proscrits. Le soin de parer au mal commun incombait à M. de la Guerche. Capitaine de l'escadron, il en était le tuteur. S'adresser au roi semblait tout d'abord le plus simple. Mais le roi devait trop au sauveur de Marguerite. Il répugnait à Armand Louis de demander un service à qui ne pouvait rien lui refuser. De plus, les Huguenots, en s'adressant à Gustave Adolphe, n'auraient-ils pas eu l'air de faire payer leur service à qui déjà leur avait donné un asile, une patrie, un drapeau? Le temps pressait. Lorsque M. de la Guerche parlait de son embarras à Renaud, celui-ci tordait innocemment ses moustaches. « Cherche, lui disait-il, tout cela ne me regarde pas, je suis soldat. » Et il se faufilait du côté où il espérait trouver Diane. Magnus non plus ne se préoccupait pas du dénouement. Il avait foi dans la Providence. Elle ne les avait pas conduits en Suède pour les abandonner. Au plus fort de sa détresse, Armand Louis se souvint d'Abraham Cabelliot. « Je lui dois la vie et celle d'Adrienne. Je lui devrai tout, » dit-il. « Voilà ce que j'appelle une idée, » dit Magnus. « Avais-je raison de ne pas me tourmenter ?»« une idée, ce n'est pas toujours de l'argent, » reprit Armand Louis. « Monsieur, c'est quelquefois de l'or. » Sans plus attendre, Armand Louis frappa à la porte du calviniste et lui conta son embarras. Il s'agit d'armer et d'équiper en guerre 150 ou 200 hommes, tous de race noble, dit-il. Ils m'ont mis à leur tête, et nous avons juré de suivre le roi partout où il lui plaira de conduire le drapeau de la Suède. Vous plaît-il d'être mon trésorier? Si nous sommes vainqueurs, tout est sauvé. Si nous sommes vaincus, tout est perdu. Dieu protège la Suède, répondit Abraham. Il prit une feuille de papier, écrivit son nom dessus, y posa son cachet, et la présenta à M. de la Guerche. « Allez, dit-il, il n'est aucun marchand de la Suède, du Danemark et de la Hollande qui ne connaisse ce nom et ce signe. Avec cela, vous aurez tout ce que vous voudrez. Il s'agit du service de la bonne cause, n'économisez pas. » De retour au camp d'Elfsnab, Armand Louis rencontra Renaud. « J'ai cherché, j'ai trouvé, dit-il. Alors pense à Carquefou. Il a besoin d'une casaque de buffle neuve et d'un cheval frais. »